Antenne 1. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel 96.2, ravi de vous retrouver en ce jeudi soir, 18h-20h, votre émission Groove Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Le meilleur du zouk et surtout du compas ce soir. Un compas, un spécial compas avec du compas d'antan, bien sûr, du compas direct, du compas Guyane, tout ça. Tout ça pour tous les fanatiques. Et puis, on aura également des invités. Et oui, tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, des représentants de l'association du Club Antillais du Loiret. Alors, on va passer un très, très bon moment ensemble. Alors, surtout, restez bien calés sur le 96.2 parce que la musique continue comme ça. Yeah, yeah, yeah. Yeah. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. Pour coller dans tête, moi, pas qu'à sauver. Pour coller dans tête, moi, dans tête, moi, dans tête, moi. Pour coller dans tête, moi, dans tête, moi, dans tête, moi. Depuis me lever, je me dormis, c'est non pas. Tout bagaille prend ralenti. plan te gen cheme Ou vini ou kaze yo tout Kouman pou m'fè blye ou lè tout sa mwen se ou mèm oh. Ou kole nan tèt mwen Nan tèt mwen, nan tèt mwen Depi m'leve chou m'dormi Se non pa ou kap toune Ou kole nan tèt mwen Nan san mwen, nan vwa mwen Mwen te di se denye fwa Notification sonne, m'espérer c'est non pas, fais semblant pas occupé, mais qu'est toujours en panique, ou fait m'vin jaloux sans raison, m'a payé, sans m'bablé, m'a demandé tête moi pour qui, ou gain contrôle, souvent c'est m'save, si c'est magie, dis-moi qui boko, si c'est l'amour qui t'aime boulé. Se não pegar na de jeito brésilien. Arc-en-ciel 96.2, premier live ce soir dans votre émission Groove Tropical. C'était Vibe avec Lumière Rouge. Allez, c'est extrait du tout dernier album, un album live qui est sorti en février dernier. Oh là là, ça va bien fou. Ensemble, 96.2, 18h, 20h, votre émission Groove Tropical. On va continuer comme ça avec un petit peu plus de douceur. Du compas, on va en avoir ce soir jusqu'à 20h. Que de très très bons morceaux que je vous ai sélectionnés pour ce soir. N'oubliez pas qu'à partir de 18h45, nous recevrons le club antillais du Loiret. Ils viendront nous raconter un petit peu tout ce qui se passe dans leur association. On les attend de pied ferme. Je suis sûre qu'ils nous écoutent. Dans leur voiture, ils vont pas tarder. En tout cas, moi sur le 96.2, je continue comme ça avec oh là là, c'est Anthony Drew avec Mademoiselle Vanessa Désiré. C'est Louis. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Moi c'est menti, moi c'est quoi? N'importe qui j'en saille, pas tourner. Moi fait un pile mauvais choix. Innocence qui m'était là. Moi plutôt ralenti sous la mer. Si on croisait, fait un coup, pas ouais, pas occupé. Quitter pas la terre. C'est assez quitter, me préserver qu'elle. Moulin, moi c'est. Remède-moi, c'est roulé. Là où fin m'en cours, à l'œil sous. Fais maille, on aime, j'en remède. Voulez-moi, c'est roulé. Remède-moi, c'est roulé. Là où fin m'en cours, à l'œil sous. Fais maille, on aime, j'en remède. Déshabillé, tout là, gardez-nous qui s'amène tomber. Déjà là, mais allez mil nan di msa chta soula Kote sa ou pa gade la Akol nan tèt mwen ap ak top Mwen gade l kap da kop mwen reziye mpoul ap Se kayon dene okasyon Se pa kem genyon lot opsyon Mwen se gason mpa ka fela Sinon pral pe l kach li reti mwen holon I'm a go get comfortable Cause I'm ready to get my freak on Liti mas la va dwe anile Pou mwen de tan ki mare Amwe pie mare Sa se bon mache se se Yo pon bare ton konda Diga tou pa kon est la Renal mara sa ou deja la Rene kon kap deja la Pelej mas le ou pa kouri 96.2, votre émission Groove Tropical. Compas, compas, compas ce soir, que du compas avec Mathieu, justement, pour tous les fanatiques. Tabou Combo qui sera sur la capitale le week-end prochain, du côté de l'Arena La Défense. Un grand concert, ne pas manquer certainement, en tout cas sur le 96.2. Eh bien, nous, on a du monde, on a le club antillais du Loiret, qui vient d'arriver d'ailleurs, elles sont toutes pimpantes. On va les retrouver d'ici quelques petits instants, mais en attendant, je vais vous faire écouter un morceau que j'adore. Le groupe Tchapot Music, oh, la voix de Pedro, je craque à chaque fois. Le club antillais du Loiret avec nous. D'ici 5 petites minutes, on va tout savoir, tous les secrets de l'association. Malgré tes, c'est ça te faire plaisir. Show. Arc-en-Ciel. Ah, je m'entends pas. Arc-en-Ciel 96.2, votre émission Groove Tropical. Nous avons des invités ce soir, des membres de l'association du Club Antillais du Loiret. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors je vous laisse pour passer. Alors je sais pas, Huguette, allez où Huguette? Alors, je la vois pas. Mais elle est toute petite. Bonjour Huguette. Bonjour. Bonjour. Après nous avons Rosanie. Annie. Oui, Annie. Annie, après, moi, quand tu m'écris, c'est Rosanie. Alors moi, je t'appelle Rosanie. Annie. Et puis après, nous avons... Fanny. Et puis... Élodie. Élodie. Oui, ça. Ok. Bien, alors, vous faites partie du Club Antillais du Loiret. C'est ça? Tout à fait. Alors, des fois, j'entends Soleil des Antilles. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, Soleil des Antilles, c'est le groupe folklorique qui D'accord. représente donc, les danseurs et les musiciens qui font les danses traditionnelles. D'accord, ok. Alors, dans le Club Antillais du Loiret, c'est quoi ton rôle à toi, Annie? Alors, moi, actuellement, je suis vice-présidente depuis quelques années déjà. Et j'aide à la supervision au niveau de la danse. Aussi d'aide pour les flyers, pas mal de choses, les soirées aussi si besoin. D'accord, c'est toi qui organise tout ça quoi. Voilà, entre autres. Tu fais partie de l'événementiel, on va dire. Voilà. Et à côté, donc, nous avons... Fanny. Oui, alors Fanny. Alors moi, je suis membre déjà. Mm-hmm. Depuis peu, je suis membre du CA. D'accord. Et aussi, depuis peu, j'aide à tout ce qui est réseaux sociaux. D'accord, voilà. Ok. Ah, c'est toi qu'on voit qui envoie les pubs et tout. Voilà. Il y en a quelque chose dont on va parler tout à l'heure, alors on te laissera faire. Et puis, donc, Elodie. Alors, moi, je suis la secrétaire du club. Donc, je m'occupe de tout ce qui est paperasse, etc. Donc, d'accord, voilà. C'est pas le plus facile. Non. Et puis, alors, Huguette. Et moi, je suis la chef de chœur d'une chorale qui est les Hibiscus. D'accord. Qui a été créée en 2015. D'accord. Ok. Voilà, donc je suis le chef de chœur, la chef de chœur. Eh bien, on a plein de choses à se dire alors. Depuis quand existe le Club Antillais du Loiret? Depuis 1960. Ah, quand même? Oui. Donc, ça fait quoi? Parce que moi, je ne sais pas compter. 66 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? 66 ans? Ouais. Mon Dieu. Bah, je ne m'imaginais pas autant. Alors, il y a combien de membres actuellement au sein du club? Alors, actuellement, on a une cinquantaine de membres. Oui, une cinquantaine de membres. Il y a des membres actifs et des membres... Donc, les membres actifs, les danseurs, les chanteurs, les musiciens. Mmh. Puis après, les membres qui viennent juste pour certains événements. D'accord, ok. Alors, la mission du Club Antillais, c'est quoi? Enfin, le but, l'objectif du Club Antillais du Loiret, c'est quoi exactement? Ah, c'est quelque chose de très, très, très, très beau. Oui. Vu qu'on veut représenter les Antilles dans le Loiret. Donc, on apprend déjà il y a le groupe de danse, donc on apprend aux jeunes et aux moins jeunes à connaître, à essayer de faire les pas de danse traditionnels. Danse Bin, Goka, Belé, et il y a les tambours aussi. Et donc on est quand on fait des sorties, on a nos costumes traditionnels en madras, et c'est vrai que ça plaît énormément, même Huguette lors de ses sorties. Elle est toujours très très bien accueillie par le public. D'accord, parce qu'elle a un costume particulier ou... Non, je suis habillée en tenue locale. D'accord, ok. Et je m'occupe aussi du quadrille. D'accord, du quadrille, ok. La formation du quadrille antillais, guadeloupéen. Donc, et ça c'est des cours que vous donnez dans la semaine, voilà. C'est des ateliers qu'il y a des ateliers. D'accord, ok. Pour pas seulement que pour les Antillais, il y a tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent essayer. Apprendre à danser les danses antillaises. Donc il y a le Goka dont s'occupent ces trois demoiselles. Mm-hmm. Et le Goka, le Bel Air, c'est ça? Et la Begin. Et la Begin. Et la Begin, d'accord. Okay. Et moi je m'occupe de la chorale. De la chorale. Et de la danse, le quadrille. Le quadrille, ouais. D'accord, ok. Alors tu parlais de sorties tout à l'heure. Quand vous faites des sorties, c'est quoi? C'est des défilés, des prestations dans des événements un peu spéciaux? Ça peut être un peu de tout. Ouais. Donc oui, on nous demande pour des défilés, par exemple, ce qu'on fait tous les ans, donc ça va être pour la ville d'Orléans, ça va être le défilé du 8 mai. D'accord. Voilà, l'après-midi. Ok. Mais ça, c'est tous les ans, ça. Voilà, tous les ans. Les gens, ils vous attendent, hein, sur le trottoir. Ils attendent que vous arriviez. Non, non, mais c'est vrai, en plus, ça, ils sont avec. Oui. Et puis, donc, on peut aussi faire des petits événements dans les maisons de retraite. D'accord, ok. Donc, ça peut être soit nous, soit la chorale seulement. Et ça peut être les festivals, différents festivals et les mariages, ça peut être demander les anniversaires. Ah, d'accord, ok. Carnaval, non ? Carnaval, non, on n'est pas carnaval actuellement. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, on va revenir un petit peu après. On se met un petit. Oui. Vous aimez le compas, je suppose ? Est-ce que vous aimez le compas, même si vous aimez la musique traditionnelle ? J'adore. Eh ben alors, on y va alors. Et c'est un monsieur qui chante super bien, Nicholson Prudhomme. Et ses amis. Moi, les femmes, ça te pousse, moi, c'est un gardien. Pas de monde qui a fait le mal, on a toujours bon côté, tu vois, mais c'est pour protéger. Si là, je m'amène la raison, que je joue à comprendre. Que l'amitié, son sentiment sacré, que nous toujours maltraité. Balancer. sur Arc-en-Ciel 96.2, votre émission Groove Tropical. Avec nous dans les studios, le groupe antillais, non pas le groupe antillais, si, le club antillais du Loiret. Je suis en train de me mélanger un petit peu les crayons, mais ça va le faire. Avec nous donc Huguette, Annie, Elodie et Fanny, voilà. Ils sont... Ah non, il n'y a que Huguette qui finit en lutte. Les autres sont finis en lutte. Justement Huguette, on va te faire parler un petit peu. Tu me parlais de chorale tout à l'heure, la chorale Hibiscus. Oui. Tu pourrais Hibiscus. Nous en... Hibiscus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est une chorale qui est formée de 20 choristes. D'accord. D'une vingtaine. Tous ceux qui veulent chanter et perpétuer la musique traditionnelle, la musique antillaise. Tous y sont bien, les bienvenus. Mm-hmm. Donc, je leur enseigne les musiques de chez nous. Et voilà. D'accord, qu'est-ce ok. Que je peux vous dire d'autre. Alors, je crois qu'il y a des événements un peu particuliers où on entend, où vous réunissez. Voilà, nous faisons des prestations dans les EHPAD. D'accord. Okay. Dans certains concerts. Mmh. Comme je prendrai chaque année, vous avez dû entendre parler de la semaine bleue. Oui, tout voilà. À fait. Donc chaque année, il y a le festival des chorales. D'accord, ok. Cette année, ça se passe au mois d'octobre. Mmh. Et cette année, c'est à Pithiviers. Ah d'accord, ok. Ça va se dérouler, où il y a une douzaine de chorales qui... Mais pas que des chorales antillaises, si? Non, non. Ah oui. Non, non, des chorales du Loiret. Du Loiret, d'accord. Voilà, qui viennent présenter. On a un thème et nous chantons deux chansons. Nous présentons deux chansons d'après le thème choisi. Bon, cette année, vous voyez, ça sera quand chant et danse se rencontrent. D'accord, ok. Donc, mais alors, c'est la seule chorale avec un répertoire antillais, donc ce jour-là. Voilà, il n'y a que la chorale antillaise comme chorale. Mais vous devez avoir un succès fou quand même, non? Ah ben, ils nous attendent. Je m'en doute, vous devez mettre de l'ambiance, c'est voilà. Super. Très bien. Donc, alors, il y a encore un grand événement, parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler, c'est chanter Noël. Voilà, nous faisons aussi le chanter Noël à la fin de l'année. Au moment des fêtes de fin d'année. Décembre. Mm-hmm. Voilà, donc nous montrons le répertoire de Noël, de musique de Noël. D'accord, ok. Voilà. Ok. Justement, le chanter Noël, c'est quoi le répertoire, en fait, du chanter Noël? C'est des chansons... vous avez quelques titres à nous donner? Parce que moi, je les sais, oui, mais peut-être que les auditeurs ne connaissent pas. Ce sont des chansons... comment je dirais... comme vit l'antillais. Mm-hmm. Religieux, non, un peu religieux quand même, un peu religieux, mais des fois nous l'adaptons à notre à nos coutumes. Oui, d'accord. Voilà, okay. Quand on va chanter, je sais pas, Joseph, mon cher fidèle, oui. On aura toujours des ritournelles un peu cocasses. Oui, on peut dire oui. Mais c'est justement les Antilles, des chansons antillaises. Voilà, exactement. Voilà, donc, nous... Et dans le répertoire autre que chanter Noël, c'est quelle chanson? Donc, allons chanter des Begin, voilà, des chansons de tous les... tous les auteurs, compositeurs, d'accord. Antillais. Et Guadeloupe, Martinique, Guyane, même La Réunion. Vous avez des noms d'artistes? Oui, on a... Bamon Thibault, par exemple. Oui. Daniela Nicorail. Oui, comment il s'appelle encore le groupe? Cassav. Ah oui, quand même, d'accord. Oui, on va prendre celui, comment il s'appelle, Bois Brûlé. Il est mort. Un peu de tout, les noms ne me viennent non, pas. Non, mais c'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Yet. Donc, pas grave. On a beaucoup d'auteurs-compositeurs. D'accord, antillais. Okay. Donc, nous interprétons leurs leurs chansons. C'est Biggin aussi. Des trucs qui nous ont bercés quand nous étions enfants. Et toutes les musiques d'antan. Voilà, de tout. De les, tout. Les nouveautés comme... Aussi voilà. Qu'est-ce que c'est? Quelle nouveauté vous chantez? Alors, dernièrement, nous avons chanté White and Black. D'accord, ok. Comme nouveauté, on va prendre une chanson d'Edith... Lefebvre. Pas Edith Lefebvre. Non. Edith Piaf. Non, non, la femme... Avec Glycéria, c'est son son. Daniel Wanekou. Daniel Wanekou. Daniel Wanekou. Ouais. Et... Oh, les noms me passent, je suis tellement timide. Huguette n'a pas répété avant lui. Je suis très timide. Huguette n'a pas répété avant lui. Elle n'est pas timide, Huguette. Personne ne veut me croire, mais je suis très timide quand il faut et parler. Et pourtant, regarde, c'est, comment je vous ai accueilli, c'est sympa. Voilà, voilà. Je vous ai oui, mis oui, à l'aise. Oui, mais bon. Moi... Et en tout cas, merci beaucoup, Huguette. On parle un petit peu du quadrille, hein, sinon. Et voilà. Donc, un atelier quadrille aussi, voilà, tu nous as parlé tout à l'heure. Le quadrille guadeloupéen... Bon, en sachant que le quadrille guadeloupéen, c'est une danse qui a été importée aux Antilles. Mm-hmm. C'était fait par les colons. D'accord. C'était dansé par les créoles, ce qu'on appelle les créoles, les maîtres dans leur salon. Et il y avait les esclaves qui regardaient ces danses-là et ils l'ont adapté à leur façon. Et donc nous avons, ça se danse par carré, oui. comme les lanciers, comme les quadrilles. Et ça, c'est dans, vous les présentez figures. Dans des prestations quand vous... Voilà. D'accord, en spectacle. Voilà. D'accord. Donc, il y a différentes figures de quadrilles. Il y a le pantalon, la poule, l'été, la pastourelle, voilà. D'accord, et ok. Et il y a... Donc, Elle nous a dit qu'elle était timide, mais on l'arrête plus. Donc bientôt, le quadrille a été reconnu comme une danse, a été reconnue aux Antilles, au niveau du ministère de la Culture. D'accord. Ça vient d'être reconnu comme une danse officielle des Antilles. Donc le 16 avril, justement, nous allons recevoir notre certificat, comme quoi. Ah, c'est super ça. Et vous allez à Paris pour le recevoir, nous ce certificat à l'Assemblée nationale en plus. Jeudi. Jeudi 16 avril. Mais moi aussi. On m'a invité. C'est, ah, c'est incroyable ça. Ah, mais... J'en ai parlé en plus hier, je crois, au téléphone. Ouais. Merci beaucoup, Huguette. Alors, j'ai juste rajouté une petite chose qui peut permettre aux éditeurs de venir connaître la chorale et le quadrille. Ouais. Donc, les répétitions sont le lundi soir à partir de 17h pour la chorale et le quadrille à 19h. Alors ça, c'est à quel endroit? À la Maison des Provinces, 25 Terre, boulevard Jean Jaurès, et c'est le bâtiment de la patinoire. Voilà, au Baron. On la salle du Baron. La salle du Baron. La salle du Baron. Voilà. Il y a besoin de s'inscrire avant de venir ou pas? Non, vous venez, on vous reçoit. Et... D'accord, ok. Donc on vous découverte. Attend. Lundi soir. Il n'y a pas de souci. Bien, on va continuer un petit peu de musique et puis après, on va faire parler Élodie qui est aussi dans son petit coin. Elle a des choses à nous dire. Elle est secrétaire, elle a plein de choses à nous dire. ki kave sa nou kezi apela Jom konen mwen gamon Pake moun ki kave sa nou kezi apela Jom konen mwen gamon Pake moun ki kave sa nou kezi apela Jom konen mwen gamon Pake moun ki kave sa nou kezi apela Kou ibe wokam Sonje kompa Ibe pato mwen Sonje kompa Ouye moun se Miami Sonje kompa Yo pase New York Sonje kompa E sona isi chegi Sonje kompa Luna Jumala, baby. Non, j'ai compris. Oh, non, j'ai compris. Oui, non, j'ai compris. Oh, non, j'ai compris. Oui, non, j'ai compris. J'en connais qu'un. J'en connais moins qu'un. Pas qu'un qui capte ça, nous, qu'est-ce qu'il y a fait là. J'en connais moins qu'un. Pas qu'un qui capte ça, nous, qu'est-ce qu'il y a fait là. J'en connais moins qu'un. Pas qu'un qui capte ça, nous, qu'est-ce qu'il y a fait là. J'en connais moins qu'un. Jumala, Jumala. Elle aime chanter. Nous rivez t'y quoi? Non, j'ai compas. Nous moutez jamais. Non, j'ai compas. Oui, passez miracle. Non, j'ai compas. Oui, mais nous, j'ai compas. Non, j'ai compas. Rivez Martinique. Non, j'ai compas. Des amis à Michigan. Non, j'ai compas. Oui, nous, j'ai compas. Oui, nous, j'ai compas. Oui, nous, j'ai compas. Mais ce jour, on va bouillot. Qui est là? FM en couleur. En couleur. Crétin, y'a pas de magie. Bien, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les babies, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, pay me. Nah. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La garde des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable des Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La garde des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je le tal, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas, vini. Da, da, da. I veux all en bord, vini. Da, da, da. J'ai le sous-sac. Campé, da, da, da. Ramène les femmes, les femmes. Ça brûle les condamnés. Remercie si des bas, on a la santé. J'monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop tard. Depuis le vent de rose, il n'y a trop tard. Ce n'est m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard. Cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout. La carte est blague, disons alléluia. Yo, Judas. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, tu baisses tout. La garde des blagues, disons alléluia. Baby, je le t'aime, vini. Vini, vini, pas tu me. Baby, all en bord, vini. J'ai une sous-sac. Campé, bambé, les bambé. Pour le BBL, bambé, les bambé. J'ai une sous-sac. Campé, Arc-en-ciel, je m'entends pas, il y a des moments, c'est pas possible. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groove Tropical avec nous dans les studios, les membres du club antillais du Loiret. Et ça te fait rire, Amina? Je croyais que tu riais. Je te Bien, bon, on avait encore plein de choses à se raconter, je crois. Hein. Elodie, tu veux nous parler d'un événement qui aura lieu le week-end prochain? Alors, ce sera ce week-end. Du coup, c'est ce week-end, c'est ouais. Samedi. Alors, il y a la soirée caribéenne créole. D'accord. De 21h à 3h du matin. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Il y aura des spécialités créoles, des assiettes boucanées, des bokis, des acras. Et l'entrée n'est pas chère, en plus elle est qu'à 12 euros. Donc venez nombreux. Ah bon, c'est tout? Ah oui, oui c'est fait. Alors, voilà, oui. Et la musique assurée par DJ Eddie. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aura un peu de gros cas ou pas? Ah oui, ben il va mettre un peu de tout. Il y aura de tout. Oui, de tout. Il y aura d'accord. De tout. Il y a des démonstrations, il y aura des choses comme ça ou pas? Ah, bah désolé, ce ne sera pas prévu. C'est pas prévu. On va laisser la place pour le public. D'accord, ok. C'est vraiment la soirée. C'est vraiment la soirée dansante. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Fanny, alors, toi, de ton côté? Non, c'est bon, elle a tout dit. Les enfants peuvent voilà. venir, il n'y a pas de souci aussi, donc d'accord. Et ça les enfants sont les bienvenus à la salle des provinces. À la salle des provinces, voilà. D'accord, ok, c'est le fief du Clos-Ventille. Et j'aimerais parler aussi du 8 mai. Du oui. défilé du 8 mai qui arrive à grands pas du coup. Ouais, c'est un grand rendez-vous ouais, local. Et on a l'honneur du coup d'avoir Fanny avec nous et qui est la muse qui va représenter le club antillais cette année. Donc d'accord. Je vais lui laisser la parole. C'est toi la plus belle alors. D'accord. Non, je vais essayer de faire de mon mieux pour représenter le club antillais. Donc voilà, après quelques années d'absence, cette année, la muse antillaise revient. D'accord. Et j'ai l'honneur aussi de remettre un bouquet de fleurs à Jeanne d'Arc. D'accord, ok, oui, parce qu'il faut préciser que le 8 mai, c'est les fêtes de Jeanne d'Arc, voilà. Voilà, à Orléans. Voilà. D'accord, ok. C'est dans ce cadre-là que vous défilez dans les rues, voilà, vous accompagnez donc Jeanne d'Arc. Tu nous disais, la muse, tu as un costume particulier ce jour-là ou pas? Tu représentes une. Alors, j'aurai une tenue traditionnelle. Antillaise. Alors, si je sais pas encore si ça sera de la Guadeloupe, la Martinique, de la Guyane. Ça, tu mets un petit peu de tout en haut. Ça sera la surprise. Tu fais un mélange. Et... Tu fais un mélange des trois. Voilà. Donc, en parlant de tenues, s'il y a des personnes qui sont intéressées de venir défiler avec nous, qui ont des tenues traditionnelles dans leur placard, qui les regardent, ils peuvent venir défiler avec nous, juste nous contacter sur notre page Facebook. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Tu me disais tout à l'heure, Annie, j'arrive pas, parce que moi, pour moi, quand je te regarde, c'est Rosanie, donc c'est Annie. Tu me disais que tu étais vice-présidente. Alors, qui est le président du Club Antilles aujourd'hui? Alors, la présidente, c'est Béatrice Courla. D'accord, ok. Elle n'a pas voulu venir nous voir. Elle travaille le soir, donc malheureusement... D'accord, ok. Bon, c'est pas grave, je la verrai la prochaine fois. C'est pas grave, à l'occasion. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Alors, je veux juste un tout petit mot, parce que j'ai pas pu parler juste de l'association au niveau des danses traditionnelles. Juste, le rendez-vous, c'est le jeudi soir. Mais j'allais te le demander. Tu m'as mangé ce que je voulais dire. C'est super Vas-y, important. Dis-moi. Non, mais c'est vrai, il faut que tu donnes les heures de rendez-vous des ateliers et puis tout ça, quoi. Vas-y. Donc voilà, le jeudi soir, donc les danses traditionnelles. Alors, c'est pas tout en même temps, évidemment, mais on fait soit la biguine, soit le gros cas, soit le belay. Et donc, hommes, femmes, enfants, parce qu'on va essayer de commencer de faire des cours aussi pour les enfants. D'accord. Et donc, le jeudi soir, à partir de 18h30 jusqu'à 20h. D'accord. Ça fait que c'est pendant mon créneau horaire d'émission. Donc, merci beaucoup, Annie. Tu vas être obligée de changer. Faut que tu changes à partir de 20h. Et en fait, on a un groupe de musiciens, donc un orchestre, qui recherche aussi, par contre, des guitaristes. S'il y en a qui connaissent des musiques antillaises, déjà, s'ils peuvent nous rejoindre, essayer de faire un petit test avec nous, guitariste, pianiste. Et pour les percussions aussi, s'il y en a qui savent jouer du ka, du tambour, on les accueille avec plaisir. D'accord, ok. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Alors justement, tu as des coordonnées à nous communiquer tout de suite là? Alors, si vous avez un papier à crayon, n'hésitez pas, prenez les renseignements. Le numéro du Club Antillais, c'est le 06 56 72 43 50. D'accord, ok. Et après, je veux bien aussi donner pour les percus, pour le groupe antillais, pour les danses spécifiquement, un autre numéro qui va être le 07 84 11 29 53. On doit réserver pour la soirée de samedi ou pas, Élodie? Alors, il faut réserver pour avoir des places assises, mais après, ce n'est pas une obligation. D'accord, ok. Ok, très bien. Pareil pour les mêmes, avec le même numéro? Oui, avec le même D'accord. numéro. D'accord. Ben, on va le répéter encore une fois, alors. 06 56 72 43 50 ou Le 06 52 16 56 22. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous avez l'adresse ? Alors, sur Facebook, c'est Club Antillais du Loiret. Mm-hmm. Alors, je tiens à préciser que c'est Club avec un C majuscule et Antillais du Loiret en minuscule. D'accord. Parce qu'on a encore notre ancienne page qu'on, au fur et à mesure. D'accord, on ok. Récupère c'est, les anciens c'est abonnés. C'est toi qui t'occupes de ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a déjà, je peux vous le lire, hein, sur le, il y a déjà un reportage de l'émission de ce soir. Faut faire vivre la page pour faire venir du monde. Écoutez. Et puis, bah voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu avais à nous. Et aussi un compte Instagram. Oui. Et un petit compte TikTok. D'accord. Bon, aussi, bah, la totale, c'est parfait. C'est super. En tout cas, je vous remercie beaucoup, les filles, d'être venues me voir. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir reçues. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez, revenir me voir, et ben, la porte est grande ouverte pour le studio. Merci voilà. Beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Kèm te din chwazi ou de je fèmè Kèm wè m batande Kèm te met ale Kèm me le mbwa kèm ou fèmè Kèm bak a fèmè de pi jò ou vè Kèm konto nan vim kèm se pi gò de kouvè Lè na pè la ri ou kon de doule Ou telman mou vò fèm sentim ta fèk sou ek Mwen ou kon m pa pwede Kèm ta se yo la men m pa ptonde Te kon lè men fè sa m pa tkonde Yo se sa yo kom se m ta pwede Yeah. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Tout parcours, Ponsel 96.2, votre émission Groove Tropical jusqu'à 20h, le meilleur du compas. C'était c'était classe, carrément, accompagné de Rachel Guillaume. Rachel Guillaume qui fait un tabac en ce moment avec son tout dernier album. Il y a une douzaine de titres, je crois, 12 titres, tous excellents. C'est un album que j'adore, que j'écoute en boucle dans ma voiture régulièrement. Voilà, sur le 96.2, on continue comme ça avec, le retour de Bamako. Non, pas Bamako, Batako, de monsieur, Jules-Henri Malaki. Je crois que ça fait une dizaine d'années qu'il n'était pas revenu sur scène. Tout nouvel album, un album en live. Écoutez ça. Et c'est méchant. Méchant. En live. Ça qui pas bon bas. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Agir avec méchanceté. Toujours songer, chaque mauvais. Oh maman, toujours qu'à trouver, en plus mauvais. Si méchanceté bas, c'est en bon état. Faut de la main, ou cher en nous-même. Si on baisse en héritage, je pense à qui est bon. Héritier, en plus sagesse. C'est ça. Je Émission Groove Tropical, le grand retour de Bataco, ça fait plaisir. Avec Jules-Henri Malatti, et c'était toute mèche. J'ai du mal à retrouver mes mots là. Bon, sur le 96.2, tiens, grand retour en arrière avec du compas Nostalgie. Écoutez ça, justement, Nostalgie Simalo avec Diotic sur le 96.2 pour tous les fanatiques. C'est parti. Essentiel 96.2 La FM. La FM. Sur Radio Arc-en-Ciel, la jeune dame, la jeune femme s'appelle Claudine. Claudine Miller, elle est plus connue sous le pseudo de Kalo. K-L-O. Et le titre, c'est Benito. Il n'est même pas sorti dans les bacs encore. Je crois que la sortie est prévue pour le 10 avril, donc demain. En tout cas, vous en avez eu ben des honneurs sur le 96.2. On en reparlera certainement très bientôt. Parce que figurez-vous que j'ai oublié la biographie à la maison. Je me rappelle juste son nom. C'est pas grave, on en reparlera la semaine prochaine et on en passera un morceau bien plus long. Sur le 96.2 jusqu'à 20h, c'est votre émission Groove Tropical. Une nouveauté avec Christian Yeye et Christian Nara. Comme c'est la vie. Ça se voit. Got to be sure. pa fè yè, a part de vini fou. An ka souwete ke yon te pe, teleporte pou mwen vin chèche. Pou nou pe a yon kote, nou ke bien tou l'été. Que faz isso? Que faz isso? Yeah, opa, vem comprar. Give me the middle. mes pays, on parle de mes pays, tout le monde. Combien de monde dans la salle à ici, chérie? Allez, Haïti, dans la salle. Tout le monde qui est Haïti, chérie. Qui va faire Haïti, grâce à l'événement dans la salle à l'événement. Ok, ok, ok, laissez-moi. Arc-en-ciel 96.2 de votre émission Groove Tropical. Eh bien, c'est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil, comme je dis toutes les semaines. Très ravie d'avoir passé cette émission avec vous. Je suis sûre que vous avez passé un bon moment avec le club Antillais du Loiret. En tout cas, sur le 96.2, n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver samedi prochain pour une grande soirée créole à la salle du Baron. Si vous avez envie de vous amuser, n'hésitez pas, c'est 12 en rue l'entrée, je crois. Voilà. En tout cas, sur le 96.2, je vous abandonne pas, vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Boa tarde, são 7 horas no continente da Madeira, 6 nos Açores.